les gens tu leur claques la réalité en face. Derrière le dos et font les doubles faces. Envie de distribuer des claques. Sous ce son je craque, mal au crâne, je me confie au Jack. Je lui dis la vie se cache derrière un masque. Trop de paperasse dans les cartons. Trop de gens contrefaçon. Trop de profiteurs qui se suivent pour du pognon. Ou le derrière de ta sœur. Je t'ouvre mon cœur comme je t'offre un bouquet de fleurs. Des fleurs empoisonnées. Trop de mecs qui se font pigeonner. Dorénavant, ma vie d'aujourd'hui, c'est toujours mieux qu'avant. Avant, tu voulais pas être avec moi. Aujourd'hui, tu me suis. T'écoutes mes conseils pour finir. Tu t'en fiches pour un pire. Regarde avec qui tu traînes, je te dirai avec qui faut pas parler. Repense à tes amis d'enfance, tu verras qu'à moitié tu peux pas leur pardonner. L'hypocrisie, ton seul ennemi, aucun remords après t'avoir menti. J'appelle pas ça une manie, plutôt une maladie. A mon avis, ça fait que ça de leur vie. Vois ta mère comme ta moitié, ton daron comme ton moitié. À ce jour, tu t'amuses avec des coups de fil. A chaque rendez-vous, tu te défiles. Quand se voit, tu me dis ça va et tu m'embobines. Les histoires de 12 piges, je m'en bats les clés, oui. La justice souffle, justice en carton. Carton clochard triste dans des cartons. Tu vois ces choses plif, le temps s'est tendu. C'est le temps du capitalisme que Satan s'est pendu. Du Skype dans la poche, poche sur mes yeux. Les yeux de mes proches sont proches, rouge feu. Flic au feu rouge pour en faire baver. Ensemble en GAV, se gaver de BR, sonne que des blancs galères. Ça errer dehors, dehors, patate culture, trop de bavures et des morts. Regarde avec qui tu traînes, je te dirai avec qui faut pas parler. Repense à tes amis d'enfance, tu verras qu'à moitié tu peux pas leur pardonner. L'hypocrisie, ton seul ennemi, aucun remords après t'avoir menti. J'appelle pas ça une manie, plutôt une maladie. A mon avis, ça fait que ça de leur vie. Vois ta mère comme ta moitié, ton daron comme ton moitié. Regarde avec qui tu traînes, je te dirai avec qui faut pas parler. Repense à tes amis d'enfance, tu verras qu'à moitié tu peux pas leur pardonner. L'hypocrisie, ton seul ennemi. La mère à peine rentrée du travail, le père rentre met un coup sur la table. Parce qu'elle a pas fait de ménage avant mettre un coup sur son arcade. Le petit dort à moitié, la porte à peine fermée. Et entend ses parents se battre, son père à moitié en l'air, sa mère à moitié dans le coma. Je me serre la tête pour pas entendre mon père lui faire sa fête. Je désespère, à l'idée de perdre mes repères. Je vais sauter par la barrière, lui mettre une baffe nucléaire. Ça le pervers, un jour je vais poser mon revolver sur sa tête. J'étais tout petit, malgré les coups que j'ai vus, j'ai pas pu révolter. Quand j'ai dû la fermer, elle me met sur le côté. Difficile quand tu vois ta mère pleurer. Regarde avec qui tu traînes, je te dirai avec qui faut pas parler. Repense à tes amis d'enfance, tu verras qu'à moitié tu peux pas leur pardonner. L'hypocrisie, ton seul ennemi, aucun remords après t'avoir menti. J'appelle pas ça une manie, plutôt une maladie. A mon avis, ça fait que ça de leur vie. Vois ta mère comme ta moitié, ton daron comme ton mortier.